بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديك مونتي با أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. 48 leçon. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى أهلي وصحبي وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب. donc pour finir le باب آداب قضاء الحاجة. le shir qui définit de citer tous les hadiths présents dans بلوغ المرام. il a mis quelques masahil liés au sujet. طيب. فقال أولا مسألة التبول والتغوط في المياهي الراكدة أو الجارية. donc il dit, c'est quoi le sujet maintenant, le fait d'uriner, de faire de ses besoins, gros petits, dans les eaux courantes ou les eaux stables. Et ça on avait pris le sujet déjà. Donc il a dit quand tu as quand demain نقل كلام أهل العلم وحكم المسألة في باب المياه. donc l'eau qui court, l'eau en fait l'eau courante, ça on avait dit que c'était permis. et l'eau qui elle est stagnante, ça dépend de la quantité d'eau. si c'est une grande tendue d'eau, moi j'adore. mais si c'est vraiment متبحر, et si jamais c'est moins que ça, faut pas le faire. ça va, ça y est. Après, il dit mas'alatun at-tabawwul fi al-juhr. Le fait de juriner dans un terrier. Un terrier. Alors, tu verras un trou dans la terre, qui s'appelle un terrier. Tu vois, tu urines dedans. Donc, il y a certains ulama, plutôt, il a été rapporté un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait interdit. Mais l'imam Ahmed aurait affaibli ce hadith. Et apparemment, le shia lui voit que le hadith est un yathbut. Il n'a pas cité le hadith. Faqad qala anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naha an yubala fil juhr. C'est tout. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenté d'uriner dans un terrier. Ou une petite fosse ou un trou. Creuser un trou d'animal, tu vois. Donc on voit que ce hadith interdit cela. Et d'autres ulama comme les ulama de Al-Shafi'iyya ou de Al-Hanabila, ils ont dit que c'était makruh. Et ils citent une parole de Cheikh Hanif pour finir en disant que Al-Nahi haqiqatan lil tahrim, que l'interdiction là-bas c'est pour l'interdiction, c'est pour le côté illicite. Donc il n'y a pas de chose qui sort de son côté ici pour le rendre détestable. Donc on reste sur l'apparent. Qalemas alatun hukm al-baul qa'ima. Le fait de uriner en étant debout. Il est vu dans un hadith de Hudayfa ibn al-Yaman muttafaqun alayhi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bala qa'ima. Qu'il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam uriner en étant debout. Il fut rapporté de Aïcha radiallahu anha qu'elle dit من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. Que celui qui vous rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a uriné debout a certes menti. Et également on a dit كذب في لغة الحجاز معنى أخطأ كذلك. C'est également le sens de se tromper. ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ نزل عليه القرآن. Que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a jamais uriné debout depuis que le Coran est descendu sur lui. Le hadith a été rapporté par Tirmidhi avec un isnad sahih. Donc il dit que le fait pour lire entre les deux hadiths, plutôt le affar de Aïcha et ce qu'a rapporté Huzaifa, c'est qu'en fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la plupart du temps urinait en étant assis. Donc Aïcha ne l'a jamais vu uriner debout. lequel elle s'est basée, ce qu'elle connaissait. بحسب علمها وحذيفة مقدم علم من ما لم تعلمه عائشة إلا سكو عائشة نفسي donc le kalam de حذيفة il est مقدم alors il est prédominant donc cela démontre qu'il est permis d'uriner debout et cela il fait emporter des affaires de Sahaba dont Ibn Mas'ud et d'autres parmi les salafs certains même n'acceptez pas la shahada, le témoignage de celui qui urinait debout. Et seulement qui se basait sur l'affaire de Aïcha. Allah a'lam. Même Ibn Mas'ud a critiqué le fait d'uriner debout. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces paroles-là sont, ont été clarifiées par le hadith de Hudhayfa qui lui a rapporté la permission de cela. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Mais c'est vrai qu'il l'a fait rarement. Et il fait rapporter également d'un groupe de sahaba qui l'a fait. Comme le Munzir le rapporte dans l'Awsat, il dit par exemple, Omar ibn Khattab, et Ali, et Zayd ibn Thabit, ibn Omar, et Sahl ibn Sa'd, également Anas ibn Malik, Abu Huraira, et d'autres. Et le Shir, il dit que tous les Athars sont authentiques, sauf celui de Anas, celui d'Abu Huraira. Donc les sahaba également l'ont fait. Et même s'ils ne l'avaient pas fait, en soi ou quoi, on a un hadith qui démontre que notre exemple à suivre l'a fait. Donc là-bas, c'est ce qu'il a fait. On ne dit pas que c'est un truc qui lui est spécifique tant qu'on n'a pas une preuve, donc on dit que c'est faisable. C'est faisable. Après le shir, il dit, quoi qu'il en soit, il ne convient pas d'uriner debout, comme on l'avait déjà cité dans un texte précédent, vers un lieu où le sol ou le mur serait solide, dur. Pourquoi ? Pour ne pas se faire éclabousser par l'urine. Et après être entaché de la najasa sur toi. Également ne pas uriner, comme ils disent, à contre-vent. Tu urines dans un sens, le vent dans l'autre sens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va revenir sur toi. Quand même, ça va revenir sur toi. Donc ils disent, il ne faut pas le faire. Et tout cela, c'est parmi les comportements du l'accomplissement des besoins. Même quand tu urines, tu fais attention. Le sol, comment il est ? Est-ce qu'il y a du vent, tout ça? Pourquoi? Parce que c'est, tout ça, c'est une najasa. Ça va le souiller par la suite. Là, c'est bien sûr dans celui qui s'est besoin dehors, hein, dans la nature. Maintenant, dans la maison, dans les toilettes, maintenant, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Tu peux debout aussi, naam. Tu peux. Et même debout, il n'y a plus. Maintenant, c'est des lieux préservés, protégés, il n'y a pas d'éclaboussure. Il dit là, t'as là, il ne s'éclabousse pas. Ou tu as les toilettes turques, ce qu'on appelle turques là, et qui en réalité sont les meilleures, ce qui est plus propre. D'accord? Et sinon, tu as la cuvette, là, le siège. Comme on l'a en Occident. Et celui qui s'habitue au final aux toilettes turques, bah, il préfère cela. Parce que la cuvette, déjà là, c'est beaucoup moins hygiénique. Tu es en contact direct avec la cuvette, d'autres gens passent avant toi. En plus, tu es assis. Dans le sens, tu es vraiment appuyé, tu vois, sur la chose. Et c'est pas. Contrairement au turc, le turc, vraiment, tu fais tes besoins, tu t'en vas. Parce que c'est pas confortable, en soi. Alors que l'autre, c'est plus confortable. Pour ça, déjà, tu fais les koufas, comme on a dit la dernière fois, ils passent leur vie dedans. Avec son journal, son téléphone, même ils ont la télé dedans, tu vois. À Kaza. Après, Dimas Allah. Irtiyad Maudou Alil Baoul. Le fait de choisir un lieu propice ou approprié pour uriner. Donc là, c'est le fait de choisir un lieu. Là, c'est contraire à la masala précédente. De trouver un sol mou pour ne pas que ça éclabousse, ça absorbe direct. Donc en fait c'est lié à la masala précédente. Des hadiths sont venus dans ce sens-là, mais c'est tout faible. Les hadiths ont été rapportés appelant à uriner dans des lieux où le sol est mou. Mais les hadiths sont faibles. Après il dit dernière masala, El bol fi el mustaham. Le fait d'uriner dans le lieu où tu te laves. Il fut rapporté un hadith dans le mustad de l'imam Ahmed, dans le sunnah de Abi Daoud et autres, de Abdullah ibn Mughaffal. Qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi, fain amat al wasawis minhu. Wa sahahahu al-Albani afwan al-Wadi'i fi as-Sahih al-Musnad. Donc il y a un hadith rapporté interdisant cela, qui dit qu'aucun d'entre vous n'urine dans le lieu où tu te laves. Tamam? Là c'est le lieu où tu te laves. Le lieu où tu te laves, donc tu te laves. Car il dit que la plupart des wasawis, des infiltrations, proviennent de là. Le fait d'uriner dans le lieu où tu te laves. Le hadith était authentifié par Cheikh Mokbel. Et d'autres hadiths sont venus. Après, c'est une parole de Tirmidhi, où il dit que des gens de science ont interdit, ou plutôt, enfin, détestent le fait d'uriner dans le lieu où on se lave. Et disant la même illa, la même cause que le hadith précédent, que cela cause les wasawis. Ça amène aux wasawis. Et d'autres, ulama l'ont autorisé. Et parmi eux, Ibn Sirin, ou Abdullah ibn Mubarak. Et ils voient que la chose est encore plus large. Si jamais l'eau, elle s'évacue. Ça revient au jugement de l'eau courante. Parce qu'elle stagne un moment, mais après elle s'en va. Ouais. Elle stagne un moment, après elle s'en va. Après, Shir, dit. Et parmi ceux qui ont été dans le côté détestable, Mutlaqan, même si l'eau, elle est courante, il cita différents savants. Et parmi Ibn Mubarak, justement, apparemment, il aurait deux calls. Ibn Mubarak, Al-Thawri, Sofiane Al-Thawri, ou Atta, parce que Atta, c'est Ibn Abi Rabah, Ibn Munzir. Non, apparemment, Ibn Munzir, lui, c'est plutôt Anjawazahu. Si jamais il a une issue par laquelle l'eau sort, lui ne voit pas que c'est interdit. Et qu'il voit que c'est détestable dans, celui, dans l'eau qui n'est pas évacuée. Donc après, Chir dit que ça c'est la parole, en fait. Il voit que c'est la parole qui est correcte. Ça dépend si l'eau elle part, elle est évacuée ou pas, en fait. Mais il a dit karaha, il n'a pas dit tahrim. Après, c'était une parole de Cheikh Al-Othaymin qui là, vise justement les hammamat, al-amma, ceux qui sont publics. Donc il dit, les hammam, al-mustaham, il l'employait comme terme, celle employée par les gens, les publics, il n'est pas permis d'y faire les grands besoins. Car cela ne part pas. D'accord? C'est pas comme l'urine. Par contre, le fait d'uriner, c'est permis. Car cela, ça s'en va. C'est évacué. Bien qu'il est préférable de ne pas le faire. Par contre, quelqu'un qui en a besoin, par exemple, je sais pas, il est dans un hammam, am, là où il y a tout le monde, il veut uriner, par exemple, il va aux toilettes, les toilettes sont occupées, il veut faire absolument, il dit, ah ben, c'est ce qu'il fasse. Ça va partir de toute façon. Mais s'il peut éviter, qu'il aille aux toilettes, normaux, au lieu qu'ils sont faits pour ça. Quand même. Donc voilà, ça c'était les dernières masaïl qui étaient liées au sujet de Adab Qadal Hajj, qui était le fait d'uriner, de faire les besoins dans les eaux stagnantes ou courantes, d'uriner dans les terriers, d'uriner debout, de choisir un lieu mou, un sol mou pour uriner, et le fait d'uriner dans les hammams publics. T'en as un, Hala? Taïeb. Faïla huna wa alhamdulillah rabbil alamin. Et là, on a fini, Beb. Adab qadal haja. Alhamdulillah.